Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame, maman, la dame est au téléphone. Bonjour madame. Bonjour. Allô? Oui, que désirez-vous? La pharmacie, s'il vous plaît. De quelle ville? De chez nous. Confonds pas. Pardon? Confonds pas. Pourquoi je ne confonds Avec, pas? il y a les deux pharmacies. Ah Mais oui, la la pharmacie fa... de chez vous, Là, mais encore. de près de la gare. La pharma... Tu as raison, maman. La pharmacie de près de la gare. Du près Là. de la gare. Oui. À côté de chez vous, du près de la gare. De quelle Oui, ville? comment? Dans quelle ville? Excusez-moi, parce que ma femme a décroché Là, sur l'autre oui. ligne. Là. Je ne vous me parlez tous les deux, ça m'énerve. Comment, madame? Si vous me parlez à deux, Tu je ne vois, comprends je pas. énerve la dame. Je vais me taire, je vais me taire. Alors, Mais donc. je voudrais juste. Là, c'était bien là, sa pharmacie, là, aux De coin de la gare, la Là. pharmacie de la gare. Voilà. Dans quelle ville? Voilà, à côté de chez Madame Tronquoy. À côté de chez Madame Tronquoy. Je répète ma question. Dans quelle ville? Mais, ah ben, mais oui. Madame Tronquoy, c'est comme ça qu'on va y Ne arriver. Parle pas, tu énerves la dame. Ce Mais... n'est pas Madame Tronquoy. Bon, bah, je dis rien. Voilà, excusez-moi, madame. Donc, est-ce vous que vous pouvez disiez donc, vous me disiez la pharmacie de la gare. Dans quelle ville? À côté, ben là où il y a Madame Tronquoy, je vous l'ai dit. Mais non, vous m'avez dit à côté de Madame Tronquoy, à côté ville. De chez vous, mais où vous habitez où? Ah, pardon, la à côté ville. De Monsieur Flousier, l'ancienne épicerie. Oh, vous voyez? Mon Dieu, vous pouvez C'est là où on habite. Mais elle comprend rien. Hein. Vous, bah, madame, écoutez. Je comprends rien. Non, ah, non, mais je crois madame. Que c'est pas vous qui comprenez ma question. C'est madame, pourtant écoutez, simple. C'est parce qu'elle parle vous sur habitez, vous. Vous habitez dans pour quelle ça. Ville? Vous habitez dans quelle ville? Excusez-moi. À côté, c'est pas Madame Tronquier d'abord. Non, c'est pas Madame Tronquier, c'est Madame Tronquoy. Ah, je confonds. Monsieur toujours. Flousier, Madame Tronquoy. Sinon, la dame, elle ne peut pas trouver la pharmacie. Alors, on vous écoute, Alors, Madame, on note. Sérieusement. Elle est où? Oui, j'attends la réponse à ma question. Non, c'est nous qui attendons. C'est où? C'est quoi le numéro, non, ça madame? Fait, ça fait quatre fois que je vous demande dans quelle ville souhaitez-vous votre demande. Ah, dans la, quelle ville? La ville. Oui, c'est ça que j'attends depuis le début. Ah, pardon, madame. C'est là, c'est à côté. C'est celle de la gare qu'il faut nous donner. Pas celle de la mairie, il y en a deux. C'est quoi la ville? Celle de la mairie est en haut et celle de la mairie est en bas. Et c'est un jeu, c'est pour une émission de télé, c'est quoi là? Vous voulez le code postal, madame? Non, je veux non. la ville. Elle n'a pas demandé le code postal, on lui a donné la ville il y a 2 minutes. Non, j'attends toujours, vous n'avez Comment pas... Comment les... Bon, et... Je vous l'ai donné. Alors, ça y est. Ça va pas être facile pour les personnes âgées de trouver des numéros. Arrête de rire. Et au revoir, madame. Sinon, la ville, c'était Vierzon. Fallait le demander, vous l'auriez eu.